Chapitre 31 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 31. Qu'il faut sobrement se mêler de juger des ordonnances divines. Le vrai champ et sujet de l'imposture sont les choses inconnues, d'autant que, en premier lieu, l'étrangeté même donne crédit, et puis, n'étant point sujette à nos discours ordinaires, elle nous ôte le moyen de les combattre. À cette cause, dit Platon, est-il plus aisé de satisfaire, parlant de la nature des dieux, que de la nature des hommes, parce que l'ignorance des auditeurs prête une belle et large carrière, et toute liberté au maniement d'une matière cachée. Il advient de là qu'il n'est rien cru si fermement que ce qu'on sait le moins, ni gens si assurés que ceux qui nous content des fables, comme alchimistes, pronostiqueurs, judiciaires, chiromanciens, médecins, id genus omne, auxquels je joindrais volontiers, si j'osais, un tas de gens, interprètes et contre-rôleurs ordinaires des desseins de Dieu, faisant état de trouver les causes de chaque accident et de voir dans les secrets de la volonté divine les motifs incompréhensibles de ses œuvres. Et quoique la variété et discordance continuelle des événements les rejette de coin en coin et d'Orient en Occident, ils ne laissent de suivre pourtant leur estoffe, et de même crayon peindre le blanc et le noir. En une nation indienne, il y a cette louable observance. Quand il leur mésadvient en quelque rencontre ou bataille, ils en demandent publiquement pardon au soleil, qui est leur dieu, comme d'une action injuste, rapportant leur heur ou malheur à la raison divine, et lui soumettant leur jugement et discours. Suffit à un chrétien croire toutes choses venir de Dieu, les recevoir avec reconnaissance de sa divine et inscrutable sapience, pourtant les prendre en bonne part en quelque visage qu'elle lui soit envoyée. Mais je trouve mauvais ce que je vois en usage de chercher à fermir et appuyer notre religion par la prospérité de nos entreprises. Notre créance a assez d'autres fondements sans l'autoriser par les événements. Car le peuple accoutumé à ses arguments plausibles et proprement de son goût, il est danger, quand les événements viennent à leur tour contraires et désavantageux, qu'il en ébranle sa foi. Comme aux guerres où nous sommes pour la religion, ceux qui eurent l'avantage à la rencontre de la roche l'abeille, faisant grand fête de cet accident et se servant de cette fortune pour certaine approbation de leur parti. Quand ils viennent après à excuser leur défortune de Moncontour et de Jarnac, sur ce que ce sont verges et châtiments paternels. S'ils n'ont un peuple du tout à leur merci, ils lui font assez aisément sentir que c'est prendre d'un sac deux moutures, et de même bouche souffler le chaud et le froid. Il vaudrait mieux l'entretenir des vrais fondements de la vérité. C'est une belle bataille navale qui s'est gagnée ces mois passés contre les Turcs, sous la conduite de Don Juan d'Austria, mais il a bien plu à Dieu en faire autrefois voir d'autres telles à nos dépens. Somme, il est malaisé de ramener les choses divines à notre balance, qu'elles n'y souffrent du déchet. Et qui voudrait rendre raison de ce que Arius et Léon, son pape, chefs principaux de cette hérésie, moururent en divers temps de morts si pareilles et si étranges? Car, retirés de la dispute, par douleur de ventre, à la garde-robe, tous deux y rendirent subitement l'âme. Et exagérer cette vengeance divine par la circonstance du lieu, y pourrait bien encore ajouter la mort de Héliogabalus, qui fut aussi tué en un retrait. Mais quoi, Irénée se trouve engagée en même fortune. Dieu nous voulant apprendre que les bons ont autre chose à espérer, et les mauvais autre chose à craindre, que les fortunes ou infortunes de ce monde, il les manie et applique selon sa disposition occulte, et nous ôte le moyen d'en faire sottement notre profit. Et se moquent ceux qui s'en veulent prévaloir selon l'humaine raison. Ils n'en donnent jamais une touche qu'ils n'en reçoivent deux. Saint Augustin en fait une belle preuve sur ses adversaires. C'est un conflit qui se décide par les armes de la mémoire plus que par celles de la raison. il se faut contenter de la lumière qu'il plaît au soleil nous communiquer par ses rayons. Et qui élèvera ses yeux pour en prendre une plus grande dans son corps même, qu'il ne trouve pas étrange si, pour la peine de son outrecuidance, il y perd la vue. Quis hominum potest scire consilium Dei, aut quis poterit cogitare, quid velit Dominus? Fin du chapitre 31.